les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Tenaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Nuit, André Bazin. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les nuits de France Culture pour une nuit consacrée à André Bazin. Il me semble le seul à s'être interrogé sur la fonction de critique, disait de lui son fils spirituel et en quelque sorte adoptif, François Truffaut. Disparu à seulement 40 ans, en 1958, André Bazin n'a pas eu le bonheur de voir les 400 coups achevés seulement l'année suivante. Juste avant que ne s'ouvre le 72e Festival de Cannes, et alors que les 400 coups auront tout juste 60 ans, nous avons voulu, le temps d'une nuit, célébrer le cinéma par un hommage à André Bazin. Bien peu de critiques ou de théoriciens ont marqué l'histoire du cinéma. À coup sûr, aucun ne l'a fait aussi profondément et durablement qu'André Bazin. Au-delà de la nouvelle vague, au fil des générations et partout dans le monde, nombreux sont ceux, critiques, cinéastes ou cinéphiles, qui ont dit combien les textes de Bazin avaient compté pour eux. Qui était André Bazin et quel héritage a-t-il laissé aux spectateurs de cinéma et à ceux qui le font? C'est ce que nous essaierons de savoir durant cette nuit en nous intéressant à l'histoire d'André Bazin, à sa formation, à ses engagements et au travail titanesque de l'écrivain de cinéma qu'il fut, de l'après-guerre à l'avènement de la nouvelle vague. En 2018, qui marquait le centenaire de sa naissance, paraissait aux éditions Macula l'intégralité de ses écrits. C'est à celui qui a établi cette monumentale édition, Hervé Joubert-Laurencin, que nous avons demandé d'être en notre compagnie pour évoquer André Bazin autour du programme d'archives que nous lui consacrons. Dans la deuxième partie de cette nuit, le rejoindra Marianne Dautray, réalisatrice avec lui de Bazin Roman, un documentaire construit autour d'un projet de film d'André Bazin qui ne vit jamais le jour. Hervé Joubert-Laurencin, bonsoir. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en esthétique et histoire du cinéma à l'université de Paris-Nanterre. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur Pasolini, entre autres, et un spécialiste de Bazin et de son œuvre. André Bazin, intellectuel, de gauche, chrétien ou catholique, qui, durant une quinzaine d'années de sa courte existence, s'est inlassablement appliqué à interroger le cinéma et à le faire connaître. De gauche et chrétien, on pourrait ajouter laïque, militant et républicain. Est-ce que cette présentation lapidaire vous paraît recevable, Hervé Joubert-Laurencin? Oui, absolument. Qu'ajouteriez-vous? On pourrait dire la même chose dans un autre sens, mais on arriverait au même résultat. Je pense qu'effectivement, ce qu'on peut ajouter, c'est que André Bazin est un peu trop connu comme chrétien. Non pas que j'ai quelque chose contre son appartenance chrétienne, qui est tout à fait avérée, puisqu'il avait, je pense, des parents croyants, vraiment pratiquants. Et je crois que il a commencé toute sa jeunesse et toute son enfance dans des écoles chrétiennes, et même ensuite dans le militantisme aux jeunesses étudiantes chrétiennes. Ensuite, il a fait partie de groupes personnalistes, bon, donc dans la mouvance vraiment chrétienne. Après, je crois qu'il y a quand même une rupture au moment de la guerre, au moment de la drôle de guerre notamment, et que là, je ne sais pas, son biographe de Leandro dit qu'il a perdu la foi, et il le dit sur la foi, si on peut dire, de lettres qu'il avait pu consulter quand il a fait sa recherche, il y a déjà très très longtemps, dans les années 70, et puis d'entretiens avec des gens qui étaient encore vivants. Et donc il semble qu'il y a eu quand même une sorte de révolution intime chez Bazin, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à avoir des amitiés chrétiennes. Mais enfin, ça a beaucoup changé. Je pense que son idée là-dessus a beaucoup changé. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on pourrait le considérer comme laïque et républicain pour une raison aussi complètement objective, c'est sa formation. C'est-à-dire qu'il a vraiment été formé comme instituteur pendant 4 ans, 3 ans dans une première école normale, puis dans une autre école normale pendant 1 an parce que c'était le meilleur élève de la première, donc on l'a poussé pour que il gravisse un peu les échelons et qu'il puisse entrer à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. C'est ce qu'il a réussi, et donc ça fait beaucoup d'années dans des écoles vraiment, on peut dire, laïques et républicaines au sens complet, alors plus du tout chrétienne, même si il a pu rester un étudiant chrétien. Je crois qu'il a vraiment appris ça, et ça se ressent. Donc, évidemment que Bazin est un chrétien, et pour autant, il y a eu une fausse vision de lui pendant très très longtemps à cause de bagarres. Les bagarres des années 50 où se battaient les communistes et les chrétiens. Et donc Bazin a été pris pour cible. Et du coup, il est resté pendant très très longtemps cette image de Bazin, qui à mon avis est assez fausse. D'autant plus que si on prend justement cette opposition de l'époque, on se rend compte que c'est un chrétien certes, mais qui a travaillé avec des institutions du Parti communiste. Des institutions, bien sûr, pas de militantisme du tout, mais dans les ciné-clubs et dans l'éducation populaire. Et puis, c'est surtout dans ses écrits. Alors maintenant, chacun peut, avec tous les écrits qu'on a édités entièrement, chacun peut juger par lui-même. Et je pense que ce que j'avais déjà essayé de dire va être avéré, quoi. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que il est toujours plus ou moins ironique quand il y a quelque chose du côté justement du côté calotin de certaines remarques sur les films. Et lui garde toujours une vision qui est vraiment une espèce de forme laïque, presque militante. Voilà. Donc voilà. Effectivement, c'est un vrai Français. Il a les deux aspects. Il est un peu double de ce côté-là. Selon vous, le mythe Bazin aurait occulté la réalité de sa pensée, de son travail critique et théorique. Nous aurons l'occasion durant cette nuit d'y revenir peut-être plus en détail. Mais qu'est-ce que le mythe Bazin et en quoi a-t-il occulté son œuvre et la réalité de l'homme ? Alors là, on passe à autre chose, c'est-à-dire qu'il s'agit plus d'une idéologie, de savoir s'il est chrétien ou de gauche ou les deux. Là, il s'agit plutôt de qu'est-ce qu'il a écrit et quelles étaient ses idées. Et là, effectivement, il y a une forme de mythologie, mais ça y est, qui est en train de disparaître à grands pas. Très très vite, ça a déjà beaucoup évolué. Je pense que ça fait au moins plus de 10 ans, peut-être 10 ou 15 ans maintenant, qu'il y a des travaux universitaires sur Bazin dans le monde entier et que on commence à lire plus largement ce qui était connu de Bazin jusqu'ici, puisque les œuvres complètes que j'ai publié aux éditions Macula, c'est 90% de nouveautés par rapport à ce qu'on connaissait de Bazin depuis sa mort en 1958. Donc pendant très très longtemps, on a négocié une idée de Bazin qui en partie venait d'une sorte de tradition orale, par les professeurs aussi, mais surtout par la critique au fond, par toute une histoire de la critique en France, et puis en se fondant sur 10% de ce qu'il avait écrit et qu'il avait choisi lui-même. Donc c'était des textes très très intéressants, des textes vraiment très bien choisis par lui à la fin de sa vie et qui ont été publiés juste après sa mort, mais néanmoins ce n'est que 10% de tout ce qu'il a écrit. Donc quand on commence à s'intéresser à l'ensemble, on se rend compte que, mais c'est absolument normal au fond, on commence à se rendre compte qu'il y a une forme simplifiée de connaissance de Bazin dont on a hérité et dont peut-être il faut se débarrasser, effectivement. Alors, à gros traits, on pourrait dire que, justement, ce côté chrétien qui lui a été accolé faisait imaginer qu'il prenait un cinéma de la révélation, c'est-à-dire une idée, finalement, assez bébête, hein, où on mettrait la caméra devant la nature est belle, elle est faite par Dieu, donc inutile de faire du style ou d'en rajouter. Donc le cinéma, c'est un enregistrement béat, en quelque sorte, de la réalité. Ça serait la même chose avec Rossellini. Et comme il aime Rossellini et le néoréalisme italien, ça tombe bien parce que Rossellini est chrétien. Mais quand on descend un tout petit peu derrière ce vernis, on s'aperçoit que Rossellini, c'est d'abord un grand montagiste, que Bazin ne peut pas... c'est quelqu'un qui a réfléchi beaucoup sur les styles des films et les styles différenciés de tous les auteurs. Donc ce n'est pas quelqu'un qui peut abandonner toute pensée en disant « le cinéma consiste à braquer une caméra devant le réel et le réel va se révéler de lui-même ». Bon, ça, c'est si l'on veut la première escroquerie. La première escroquerie, elle est là, c'est avec ce mot de révélation. On imagine que Bazin est un non-théoricien, hein, et ça vient de... Ça a été fabriqué aussi, je pense, par toutes les années 60, hein, avec toute une nouvelle approche qui était quand même très passionnante et très nécessaire, une théorisation du cinéma qui s'est faite en s'appuyant sur les sciences humaines, sur la linguistique. Mais Bazin a été pris comme une sorte de repoussoir, un repoussoir facile, dont on connaissait seulement quelques textes et puis surtout quelques idées qui, elles, étaient fausses et qui étaient des idées trop généralistes et qu'on avait associées à sa personne et même, je dirais, à son nom. Donc, en gros, Bazin, c'est une sorte de nom de code qui était un repoussoir qui arrangeait bien. Quand on était matérialiste, c'était l'idéaliste. Quand on était pour le montage, c'était celui qui était contre le montage, etc. etc. Donc, effectivement, il y a quelque chose de négatif et Par ailleurs, ça va de pair avec le mythe, hein, si on parle de mythe, ça va de pair avec un mythe très positif, c'est-à-dire l'espèce de critique parfait, le critique le plus célèbre, le grand critique, le père des cahiers du cinéma, le père de la nouvelle vague. Donc on a de quoi l'adorer excessivement ou le détester excessivement. Et en cela, c'est mythologique, ouais. Et justement, est-ce pour redonner sa réalité à la pensée et à l'œuvre d'André Bazin qu'est né le projet de réunir et d'éditer l'ensemble de ses écrits ? Comment s'est décidée l'édition de l'intégralité des écrits de Bazin, Hervé Joubert-Laurencin ? Alors, entre autres, oui, mais on ne peut pas dire non plus qu'on veut à tout prix donner la bonne parole sur Bazin ou rétablir la vérité, ce serait quand même une autre mythologie. Donc, on veut simplement faire son travail, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de façon extrêmement longue, hein, puisque beaucoup de gens ont voulu le faire, et puis ça ne s'est jamais fait, pour des raisons absurdes, hein, c'est, je sais pas, des raisons éditoriales, des raisons familiales, des raisons de droits d'auteur. Donc ça, la chose a traîné très très très très très très longtemps. Et moi, j'ai cru le faire il y a 15 ans, et puis finalement, quelqu'un d'autre devait le faire. Ça ne s'est pas fait. Il y a une époque, il y a à peu près 20 ans, on espérait publier tout Bazin. On s'est rendu compte que c'était énorme. Donc il y a eu des anthologies qui se sont faites, mais le travail monstrueux qui était de rassembler les près de 3000 textes a paru trop difficile ou impubliable, hein, pour des raisons commercial chez les éditeurs. Et finalement, un peu miraculeusement, tout s'est mis en route il n'y a pas si longtemps, donc il y a quelques années, et la chose était possible. Et moi, de mon côté, comme publier l'intégrale Bazin, c'était une sorte de rêve qui était possible, en parallèle, j'avais commencé à lire tout Bazin, essayer de rassembler tout ce qu'il avait écrit, et c'était pas si facile, et de faire du travail de recherche sans vouloir forcément le publier, mais pour mener un travail de recherche qui soit complet et qui puisse aussi profiter aux autres. Hein. Longtemps, Dudley Andrew, qui est à Yale, a gardé dans son bureau tout ce qu'on trouvait tous les deux. Et puis, pendant ce temps, moi, j'avais ça à l'Institut National d'Histoire de l'Art, dans un bureau qui pouvait être ouvert aux collègues étrangers qui venaient lire Bazin. C'était plus facile que d'aller les rechercher, que tout le monde aille les rechercher à la Bibliothèque nationale ou ailleurs. Voilà, donc c'est une longue recherche en parallèle qui faisait qu'en gros j'étais prêt. Et puis la famille a donné son accord. Et puis j'ai trouvé un éditeur merveilleux, Macula. Parce que sans un éditeur qui ait un courage extrême, on ne peut pas publier 15 millions de signes, plus de 2800 articles, en deux livres de plus de 3000 pages, c'est impossible. Il faut vraiment avoir un courage très grand et aussi un grand professionnalisme pour arriver à faire ça. Il s'agit donc de deux gros volumes magnifiquement édités, j'approuve, rassemblant près de 3000 textes, précédés d'une importante introduction que vous signez, avec évidemment plusieurs index, rendant possible plusieurs entrées, plusieurs accès aux textes et aux articles. Et l'ensemble est organisé non pas en chapitres, mais découpé en scansions. Pourquoi ces 24 scansions ? Qu'est-ce qui détermine leur découpage et leur succession ? La première chose que je peux dire, c'est une introduction à ce qu'on dira plus tard dans l'émission, c'est-à-dire que c'est une idée de Marianne Dautray. Et Marianne Dautray, on parlera avec elle, puisque qui nous rejoindra tout à l'heure. Voilà, puisqu'avec elle, j'ai fait aussi un film. On a fait un film à deux sur Bazin, dont on reparlera. Donc, et Marianne est éditrice, donc elle a eu aussi cette idée qui était très belle de couper de façon aléatoire ce nombre infini de textes à partir du moment où on prenait la décision de les publier chronologiquement. Donc pendant très très longtemps, on s'est posé la question avec des éditeurs de savoir si on prenait tout ou pas tout, si on mettait des chapitres thématiques, si on mettait des chapitres par lieu d'édition, etc. Et tout finissait par un cul-de-sac, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on s'aperçoit que il y a des textes qui ne vont nulle part et qui vont être magnifiques, mais relégués quelque part et qu'on ne les verra plus, que sinon tout le reste est un peu comme une division académique ou administrative, qui n'a aucun sens au fond sur la vie de l'auteur. Et la chronologie, et le jour où on se rend compte que la chronologie, c'est merveilleux, surtout quand on a un ensemble, enfin, c'est surtout possible quand on a un ensemble, la chronologie, ça devient merveilleux. Et à partir de là, faire des chapitres tous les ans, tous les deux ans, ou tous les 100 articles, c'était quand même un peu triste. Donc l'escension, c'est l'idée d'une sorte de longue vie de 15 années ininterrompue, qui est un peu comme le souffle de l'auteur et qui suit sa vie. Et donc, pendant un bon moment, je me suis posé la question et j'ai essayé de couper en cherchant des idées pour couper, qui sont un peu comme des idées de montage. Alors, pas un montage d'une grande structure qui expliquerait les choses, parce que là, on reviendrait à quelque chose de lourd, mais plutôt un montage dans le détail. C'est-à-dire, à l'endroit de la coupe, on coupe sur un article qui lui fait sens, par exemple. C'est le précédent ou c'est le suivant, ou bien il se passe quelque chose. Et on pourrait tout à fait en trouver d'autres, ça serait tout aussi vrai. Donc il ne s'agit pas de vérité de la vie de Bazin, mais il s'agit d'une découpe qui ajoute un peu de subjectivité, à la fois de celui qui fait l'ouvrage et dans la vie de Bazin, rechercher des choses qui sont de l'ordre du sujet là aussi, du sujet écrivant, du sujet vivant. Et donc c'est comme un souffle, ce sont des scansions. Voilà, et 24 images secondes. Voilà, les 24, c'est comme les 24 images secondes, oui, qui font une seconde de film. C'est une sorte de condensation des temps qui est un effet d'ailleurs très visible au fond aujourd'hui. Une fois le livre fait, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la condensation des temps qui est très intéressante. C'est-à-dire, il y a à la fois une élongation terrible, ça paraît très très long, et puis ça paraît très court ou très dense à certains moments. Donc ce jeu avec le temps et avec la vie est assez beau quand on travaille sur un ensemble. Il s'agit donc au fond d'une formidable biographie au jour le jour de l'existence de critique d'André Bazin à travers ses articles, ses textes théoriques et par conséquent aussi d'une histoire du cinéma et même au-delà de l'histoire tout court à travers le cinéma. À qui cet ouvrage est-il particulièrement destiné ? Alors là, c'est vraiment un ouvrage destiné à, je dirais, à tout le monde, au sens où tout y est, rien n'est ôté, tout a été présenté de la façon la plus franche possible, la plus complète, et surtout sans 10 000 notes, qui seraient très faciles de mettre, parce qu'il y a tellement d'articles, donc on a minimisé au maximum les notes, et on se retrouve quand même avec, je sais plus combien, mais pas mal, enfin, en tout cas, ça se voit pas trop dans le livre, mais pour nous, ça a été un très gros travail, parce que ces textes très anciens, et il y a des choses qu'on peut plus comprendre immédiatement. Donc, on a simplement aidé le lecteur sur un élément qui était un élément que savaient très bien les lecteurs cette semaine-là ou cette année-là et qu'on ne sait plus aujourd'hui, ou bien quelque chose qui a été mal édité parce qu'il y a énormément de coquilles dans les journaux, hein, puisque ce sont des journaux quotidiens. Voilà. Alors, ça veut dire que c'est à la fois quelque chose qui est passionnant, comme je disais tout à l'heure, pour les chercheurs, parce que tout d'un coup, on a l'ensemble de tout ce qu'a écrit Bazin. Et si on considère que Bazin, qui n'est pas un théoricien, vaut quand même beaucoup pour l'histoire des théories du cinéma parce qu'il a émis des idées, on a évidemment une source incroyablement riche. Et si on s'intéresse à la cinéphilie, c'est extrêmement riche aussi parce qu'on a un moment d'histoire. On a 1944-1958 en France. Et évidemment, la France veut dire le cosmopolitisme. Parce que la France du cinéma, c'est aussi la France de Langlois, c'est aussi la France de Lumière. C'est-à-dire ce pays assez étrange où tous les mercredis sort des films. Et sur 10 ans, on s'aperçoit que beaucoup de films qui ont été produits dans le monde sont passés à Paris. C'est un peu une exception mondiale. Et du coup, si on fait la critique de ces films, bien sûr, Bazin ne parle pas de tous les films qui sortent à Paris pendant 15 ans, mais beaucoup tout de même. Donc on a une vue historique assez étonnante, une vue aussi surprenante, parce que quand on est historien du cinéma, on sait qu'il y a des choses qu'on découvre dans les textes et qu'on a complètement oublié parce que les copies n'existent plus, parce qu'il n'y a pas d'autres traces. Et la trace de la critique au jour le jour, c'est une trace incroyablement historique, très précise, avec beaucoup de détails. Et ça, c'est très passionnant parce que tout d'un coup, on redécouvre des films qu'on avait complètement oubliés. J'espère que la publication de ce livre permettra de donner des idées aux éditeurs de DVD, de ressortir des films qu'on avait complètement oubliés, mais sur lesquels Bazin a écrit un article génial. Voilà. Donc, c'est très intéressant pour la pure cinéphilie de films qui sont pas forcément. Et puis, dans le sens inverse, on a très envie, quand on a vu un film, d'aller voir ce que Bazin en disait. Alors ça, c'est assez formidable. Nous, ça fait quelques années qu'on fait ça. Donc, quand on voit le film et qu'on se dit, il est peut-être dans l'époque de Bazin, est-ce qu'il a écrit quelque chose? Il en a écrit 1, 2 ou 3 articles. C'est génial. On peut s'intéresser au style de Bazin aussi. Parce que c'est un écrivain. Moi, je crois que là, vraiment, le publier entièrement lui rend honneur. Vraiment, on s'aperçoit tout d'un coup que c'est quelqu'un qui a été capable, même dans Le Parisien Libéré, pour 700 signes dans Le Parisien Libéré, ne lâche rien de son style, de son exigence. Et donc, il peut écrire plusieurs fois sur le même film, jusqu'à 7 fois, exceptionnellement. Et jamais ce n'est le même article. C'est-à-dire, jamais il ne refile le même article d'un journal à l'autre. Il se fait pas payer 2 fois pour le même travail. Ce qui est quand même très difficile au fond. Hein. Je crois que tout journaliste le sait. Quand on commence à écrire une deuxième fois sur un film, on a beaucoup de mal à ne pas dire la même chose. Alors, il a à peu près les mêmes idées, même s'il en a plus quand le journal lui laisse plus de place. Mais jamais il écrit exactement de la même façon. C'est donc assez passionnant de voir comment il écrit. Et puis, ce n'est pas du jargon. Voilà, Bazin, ce n'est jamais du jargon, parce que Bazin est quelqu'un qui, en plus de tout ce qu'il a écrit, a beaucoup travaillé oralement. Il a travaillé dans ce qu'on appelle, j'espère que je peux encore le dire au présent, ou de ce qu'on appelait, parce que c'est en train de sévèrement disparaître avec le monde dans lequel on vit. C'était quelqu'un qui était vraiment un militant de l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, c'est s'adresser à tous et pas à des gens qui ont fait des études. Donc, on explique ce qu'on est en train de dire et on n'utilise pas de mots difficiles ou bien on les explique. Et en même temps, la force de Bazin et la force de l'éducation populaire, c'est de ne pas prendre les gens pour des cons. Donc, n'importe qui, n'ayant pas fait d'études, doit pouvoir comprendre même les choses difficiles. Il suffit de l'expliquer. C'est un pari. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne s'adresse pas à des imbéciles, puisque personne n'est un imbécile. C'est ça, l'éducation populaire. Donc, Bazin, du coup, j'en déduis que tout le monde peut lire Bazin, pour moi. Même si ça paraît difficile aujourd'hui pour une raison absurde, c'est que c'est du très beau français. Alors, parfois, c'est difficile, parce que les phrases sont écrites en très bon français et qu'on n'est plus habitué à lire ça. À condition d'être honnête, c'est parfaitement lisible par tous. Et justement, cette vocation d'éducateur de Bazin, que son bégaiement empêchera de devenir le professeur qu'il envisageait d'être, n'est-elle pas le principal moteur de son engagement dans le cinéma, Hervé Joubert-Laurencin? Oui, on a dit parfois que c'était le grand instituteur du cinéma, parce qu'il aurait dû être instituteur. Après, il a continué ses études, et puis il aurait dû être encore autre chose. Il aurait dû être, je sais pas, professeur d'université, inspecteur de l'éducation nationale, ou je ne sais pas quoi, ou chercheur, si ça avait existé, mais il n'y avait pas de chercheur de cinéma à l'époque de Bazin. Et effectivement, il y a une volonté éducative, mais je dirais vraiment beaucoup plus éducative que professorale. C'est-à-dire que c'est une éducation au sens large. Bazin, par exemple, critique les premières tentatives de l'université au cinéma, du cinéma à l'université à son époque. Et c'est assez curieux parce que c'est quelqu'un qui, justement, est du côté de vient absolument du monde de l'éducation. Et je crois l'avoir compris en pensant que pour lui, c'était beaucoup plus intéressant. Enfin, le slogan qui lui aurait plu, à mon avis, c'est le cinéma de la maternelle à l'université. C'est-à-dire, on se fonde pour défendre le cinéma sur l'ensemble d'une population beaucoup plus large qui est celle des instituteurs, aujourd'hui professeurs d'école et des professeurs de collège et des professeurs de lycée et des universités, mais pas seulement pour une élite. Et donc, l'aspect éducatif est fondamental, mais jamais ce n'est une espèce de donneur de leçons. André Bazin, né en 1918 à Angers, vous avez évoqué son histoire familiale, son éducation, sa formation. Quels intellectuels, quels penseurs ont compté dans sa formation intellectuelle? Bergson, Mounier, Peggy? Oui, c'est ça, c'est vrai. Alors, ouais, bon, personne n'est, à mon avis, complètement fondamental. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y a forcément chez quelqu'un qui a fait des études assez poussées, qui a beaucoup lu et qui, dans ses textes, prouve qu'il a beaucoup lu et qu'il a des références, y compris philosophiques. Il y a forcément des gens qui comptent plus que d'autres. C'est difficile, on pourrait trouver des gens qui sont devenus inconnus aujourd'hui, comme Louis Lavelle, qu'il a dû rencontrer dans sa jeunesse étudiante, qui était un philosophe très très célèbre à l'époque, qui parlait du temps et des anges. Et donc, il a dû avoir du sens pour lui parce qu'on retrouve quelques idées que Bazin a complètement transformées et métamorphosées. Je crois que Sartre est un contemporain de Bazin et Sartre compte énormément. Mais là encore, lorsque Sartre arrive sous la plume de Bazin, c'est parfois ironique parce que Sartre a voulu faire du cinéma et Sartre, il y a une voix de Sartre dans le cinéma français et Bazin à un certain moment le juge en critique de cinéma et il n'est pas seulement tendre avec les adaptations notamment de Sartre qu'il trouve assez grossières. Mais par ailleurs, Sartre comme penseur a été peut-être comme critique littéraire a été très important pour Bazin. C'est un modèle de critique littéraire, c'est sûr. Après, il a d'autres modèles. Bergson compte forcément pour les gens de son âge. quelqu'un de peu connu, c'est Marcel Legault. Alors, Marcel Legault, oui, il a fait partie d'un groupe de Marcel Legault, qui était lui aussi un chrétien, mais un chrétien retourné à la terre. Donc, avec une sorte de volonté apostolique, mais dans le quotidien du travail. Et je pense que ça compte aussi du côté de l'engagement d'éducation populaire de Bazin, qu'il a continué bizarrement avec travail et culture, c'est-à-dire plutôt avec le Parti communiste et la CGT, tout en devenant ensuite assez vite en 51 un anti-stalinien avéré, donc mis au rancard du monde culturel communiste. À partir de 50-51, mais avant c'est le contraire. Voilà, alors la chose importante, c'est de bien voir que Bazin a des références, a même des gens qu'il admire et dont il se sert, mais son écriture n'est jamais celle d'un professeur ou d'un écrivain d'ouvrage. Donc il n'a jamais systématisé tout ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il est influencé directement par tel ou tel, puisqu'au fond, tout sert à critiquer un film, puisqu'au fond, il ne fait que ça. Donc c'est un pur analyste de film. Donc sa pensée est filtrée par ça, si bien qu'il transforme toujours. Donc le plus frappant, c'est que Bazin crée des idées qui lui sont propres. Et il transforme et métamorphose tout ce qui lui vient de la culture, un peu comme Serge Danet longtemps après, hein, deux générations après. C'est-à-dire, c'est des gens qui boivent beaucoup, beaucoup ce qui s'écrit, ce qui se pense, jusqu'à des choses très complexes de leur époque, et qui les redonne, mais qui les redonne complètement métabolisés, métamorphosés, à travers le filtre du cinéma. Et du coup, ça... À mon avis, moi c'est comme ça que je travaille avec Bazin ou avec Danet, qui recrée des concepts. C'est-à-dire que pour moi, c'est une nouvelle pensée. Et ce sont eux-mêmes, deviennent eux-mêmes des penseurs, donc c'est très difficile de savoir s'ils sont dans telle ligne ou telle ligne, parce qu'ils n'ont pas procédé comme habituellement, ils procèdent à travers un filtre qui est celui des œuvres, toujours différentes, chaque jour différentes, hein, chaque semaine des nouveaux films, et donc des nouvelles pensées, des nouvelles formes de monde. Donc c'est vraiment des inventeurs de monde et des inventeurs de concepts originaux. André Bazin s'est finalement intéressé assez tardivement au cinéma. Quand et comment s'est opérée chez lui cette bascule dans ce qui deviendra un véritable et total engagement ? C'est relativement tôt tout de même, hein. Mais c'est vraiment, si mes souvenirs sont bons... C'est pas une passion de prime jeunesse. Non, oui. Si mes souvenirs sont bons, il découvre d'un coup le cinéma grâce à un ami de jeunesse et notamment grâce à La Drôle de Guerre, hein, où il se retrouve à Bordeaux et il a un ami dont les parents tiennent un cinéma, ce qui permet d'aller au cinéma beaucoup. Et puis Guy Léger. Et tout d'un coup, Bazin découvre un monde complètement différent. Et puis il y a une autre personne qui a témoigné, un témoignage radiophonique très très très beau, où l'on entend Alain Resnais dire qu'il a rencontré Bazin, il l'appelle jeune universitaire, il veut dire un jeune étudiant, et qui lui a montré des films muets. Et dit, j'étais un peu furieux que ce type, que je connaissais pas, avait, en voyant deux films, avait déjà des idées incroyables. Et puis je me suis rendu compte que c'était tout à fait un inventeur d'idées et qu'il était formidable. Mais Resnais témoigne du fait que Bazin n'avait jamais vu de films muets, par exemple. Et puis qu'il venait de devenir cinéphile. Alors après, il est devenu un intense cinéphile et puis il en a fait son métier. Donc il a vu énormément de films. Mais c'est vrai que c'est tardif et brusque et juste avant cela, évidemment, il avait une formation classique, principalement littéraire, mais pas seulement littéraire, puisqu'il était assez fort en sciences, hein, ce qui explique beaucoup de métaphores scientifiques et techniques, c'est sa formation qui l'explique, mais c'était donc une formation traditionnelle, et le cinéma, effectivement, a basculé brusquement vers 1939-1940, et il l'a considéré avec tout son bagage de connaissances anciennes, et il a imaginé que ce serait aussi une nouvelle manière de penser. Nous entendrons dans cette nuit Truffaut dire ce que fut son expérience d'adolescent cinéphile après-guerre. Dans quel contexte cinématographique apparaît le critique André Bazin ? Dans quel contexte critique également ? Et comment Bazin se situe-t-il dans le monde cinématographique de l'après-guerre ? Alors, c'est vraiment... Je crois qu'il y a vraiment deux moments. Il y a vraiment un moment où Bazin n'est pas connu au fond. Hein, c'est un critique parmi les autres, et Et il se met dans l'après-guerre, donc il parle des choses de l'après-guerre, par exemple les films de résistance, hein, c'est le premier genre ou sous-genre ou petit genre qu'il remarque dans la sortie des films, et il se fonde sur les films qu'il voit, et il dépend beaucoup des films qu'il voit. Donc on a Hollywood des années 40, c'est-à-dire le grand moment du classicisme hollywoodien, qui a été supprimé pendant 4 ans. Les Allemands interdisant les films américains, la France a rattrapé des centaines et des centaines de films en quelques mois, puis ensuite en quelques années, et ça a continué. Donc il y a toute cette partie du cinéma américain que Bazin ne tient pas beaucoup dans son cœur, comme beaucoup de critiques, notamment les critiques communistes, pour des raisons idéologiques et pour des raisons presque nationalistes. Il y a une sorte de mépris du grand marché américain, et donc on cherche autre chose. Et notamment, on cherche dans le cinéma français des choses qui seraient neuves. Donc des auteurs, Bazin, même s'il n'est pas du tout l'inventeur de la politique des auteurs, Bazin fait partie de cette époque où les critiques commencent à s'intéresser à des cinéastes, en considérant qu'ils ont vraiment une vision du monde et qu'on peut, ils font œuvre. Donc c'est cette idée du cinéma qui va faire œuvre, qui est le contexte le plus important, un peu national. Et puis après, il y a l'émergence de l'Italie. Il y a l'émergence du cinéma italien. Bazin appelle ça la nouvelle école italienne. Et ensuite, on va inventer ce mot ou reprendre ce mot des Italiens de néoréalisme. Et alors là, on arrive même si on n'est pas encore après 1950, on arrive dans une deuxième phase où Bazin n'est pas celui qui suit en quelque sorte les habitudes critiques ou les courants critiques, mais quasiment les formes. C'est-à-dire que Bazin est un des inventeurs, bien sûr il n'est pas tout seul, mais il est un des inventeurs principaux de cette notion de néoréalisme à la française, par exemple, puisque le néoréalisme en Italie est conçu un peu différemment, et en France il y a Bazin et quelques autres qui inventent une idée et ce que après coup, nous percevons, c'est que, en gros, ce néoréalisme, comme l'a dit par exemple un philosophe quand il s'est mis à écrire sur le cinéma, Gilles Deleuze, le néoréalisme vu par Bazin, en gros, c'est ce que nous appelons l'émergence du cinéma moderne. Donc quelque chose de complètement différent qui n'est ni ce que vont détester les gens de la nouvelle vague, c'est-à-dire le cinéma français de papa, le cinéma dit de la qualité et détesté par sa qualité, alors que Bazin, bien sûr, lui, au contraire, aime le cinéma de la qualité, défend le cinéma de la qualité, mais ce n'est pas celui-là qu'il va inventer véritablement. C'est quelque chose en opposition à ce cinéma et aussi dans une forme d'opposition européenne ou autre ou mondiale à un classicisme hollywoodien. Et donc c'est ce qu'on appelle généralement, avec plus ou moins de bonheur, hein, parce qu'on ne sait pas très bien où ça commence, où ça finit, quelles sont les frontières, mais le cinéma moderne. Et ce cinéma moderne, qui est une expression d'après la mort de Bazin, a vraiment un rapport avec beaucoup d'inventions verbales, d'inventions conceptuelles, d'inventions de goût qui sont amenées par Bazin tout au long des années 50, et ça commence déjà d'ailleurs à la fin des années 40. Voilà, donc il y a un Bazin qui est assez proche du contexte tel qu'il se présente dans l'après-guerre en France, et ensuite il est plutôt qu'influencé, il est influenceur, hein, vraiment dans les années 50, de 50 à 58 en gros, ou 51-58, avec le néoréalisme, mais on pourrait dire aussi la découverte de Wells, enfin la défense d'Orson Welles, pas la défense d'Hitchcock par exemple, mais ça ce sera les plus jeunes. L'une des grandes étapes de la carrière de Bazin, c'est bien sûr la création des Cahiers du cinéma en 1951, une revue dont il sera le pivot jusqu'à sa disparition en 1958. Les Cahiers du cinéma, auxquels on le résume trop souvent, mais des journaux et des revues, il y en a eu beaucoup d'autres, avant et parallèlement aux Cahiers. Qu'est-ce que la critique pour Bazin et celle du quotidien tout d'abord, du Parisien libéré? Qu'est-ce qui la caractérise? Il y a différentes vitesses. C'est-à-dire que dans le Parisien libéré, c'est là où on a le plus d'articles dans l'intégrale d'ailleurs, plus de 1300, puisqu'il écrit deux ou trois fois par semaine, et c'est son salaire principal. C'est le fond de la carrière de Bazin, au fond. Hein. Pendant 15 ans, Bazin vit sur son salaire du Parisien libéré, et puis tout le reste. Et fait son travail, et est reconnu par sa veille permanente dans le Parisien libéré. Ça lui permet de voir de parler du plus de films possible, et là c'est vraiment le critique au jour le jour. un critique de quotidien, d'un quotidien populaire, dans lequel il donne son avis, mais il essaye de guider le spectateur. Donc voilà. Et néanmoins, c'est évidemment là aussi quelque chose de très passionnant parce que c'est la première réaction, la réaction immédiate, presque de la première vision, voilà. Et donc les premiers mots qu'on écrit sur un film. Alors bien sûr, il est très très fameux, il est très connu que Bazin est revenu sur certaines de ses opinions avec une grande humilité en disant « Ah ben je m'étais trompé, maintenant je me rends compte que ce film était formidable alors que j'en ai dit du mal à sa sortie. » Enfin, comme tous les critiques bien sûr. Bon, il y en a pas mille, hein, il y en a quelques-uns, mais c'est pas ça qui compte. Au fond, ce qui compte, c'est une veille complète et très très honnête, surtout, avec une très grande honnêteté. Ça caractérise Bazin, l'honnêteté, c'est-à-dire ce qu'il ne sait pas, il dit qu'il ne le sait pas, ou là où il doute, il dit qu'il doute. Voilà. Et c'est ça l'intérêt, c'est l'intérêt du quotidien, c'est ça. Alors ça, c'est une vitesse, et évidemment, ça, c'est presque, on pourrait dire que. On pourrait croire que ce n'est pas le même homme quand on est dans la vitesse de la revue de cinéma. Alors, il y avait l'écran français avant les cahiers du cinéma, et puis ensuite, il y a les cahiers du cinéma. L'écran français, c'est une revue très, très importante de l'après-guerre, mais qui s'arrête assez vite, avant les années 50, ou qui se transforme complètement, Bazin n'y est plus. Et les cahiers du cinéma, c'est une création complète. Voilà. Et Bazin, effectivement, a un rôle très grand dans la création, même s'il est malade à cette époque. Là, donc, il rate un peu le début, mais il ne rate pas l'écriture dans les cahiers du cinéma. Il y a vraiment une plume et un style Bazin des cahiers qui fait, et vous avez eu raison de le dire, qui fait que Bazin, même s'il n'est pas le seul chef, c'est pas en tant que chef, c'est vraiment en tant qu'autorité de parole que ses articles sont très très importants. On a à peu près 150 hein, au total sur 7 ans, puisqu'il meurt seulement en 58, donc il ne voit que le début. C'est vraiment la première époque des cahiers du cinéma, et en 7 ans, c'est très très marquant. Bazin est une forme d'autorité à travers les cahiers du cinéma. Ce qui fait que vous avez aussi raison de dire que on l'a trop souvent rattaché uniquement au cahier du cinéma. Ce qui est vraiment très juste parce que Bazin incarne en quelque sorte le début des cahiers du cinéma. Ça fait partie du mythe Bazin. Exactement, ça fait partie du mythe Bazin. Mais on s'aperçoit en prenant l'ensemble de tout ce qu'a écrit Bazin que c'est une partie assez petite au fond et qu'il avait d'autres vies avec des affirmations très importantes et notamment sur la télévision, dans Radio Cinéma Télévision ou dans France Observateur, qu'on voit très peu dans les articles des cahiers. Il y en a un ou deux dans les cahiers, mais peut-être un seul d'ailleurs sur la télé par exemple. Du côté des textes plus savants, plus analytiques, plus théoriques, vous dites que Bazin n'a cessé de s'offrir à vos yeux sous une forme bizarre, libre et aventureuse, mais dont la flèche de la boussole est toujours aimantée par le nord magnétique du réalisme. Pourquoi bizarre? Pourquoi aventureuse? Et surtout, qu'est-ce que le réalisme au cinéma ou du cinéma selon Bazin? Alors effectivement, il y a les deux choses. D'une part, il y a une sorte de noyau de pensée qui est le réalisme. Donc je crois qu'il faut le dire de façon plus simple que ce qu'on a dit parfois, c'est simplement Bazin est un bon théoricien du réalisme. Bazin est un des théoriciens historiques du réalisme. Alors, je l'affirme parce qu'on a beaucoup de mal à dire ça, parce qu'on a l'habitude de penser que les théoriciens du réalisme sont marxistes. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de théoriciens du réalisme marxistes, surtout à l'époque de Bazin, et Bazin n'est pas marxiste. Néanmoins, il est parfaitement adoré par l'un des formidables théoriciens du réalisme qui s'appelle Barthélemy Amingal, qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui est vraiment, lui, un vrai enfant de Bazin aussi, alors qu'il s'intéresse à Eisenstein, il a l'air d'être complètement à l'opposé de l'image qu'on se fait mythologique de Bazin. Et donc Bazin, si Amingal l'a repéré, c'est bien pour cette raison, c'est que Bazin est effectivement un théoricien très sérieux du réalisme. Alors, le réalisme pour Bazin, c'est compliqué parce que c'est à la fois, c'est deux choses au départ qu'il quitte très vite d'ailleurs, c'est le réalisme du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a un fondamental réalisme du cinéma, c'était vraiment pas le premier à le dire, mais il l'a exprimé d'une manière très belle, très complexe, fondamental. Donc il y a un réalisme fondamental du cinéma. Lui, parfois, a dit réalisme ontologique. Alors on a retenu ce mot de réalisme ontologique qui fait partie de la marque Bazin, hein, mais on pourrait dire tout simplement réalisme fondamental, c'est-à-dire que le réalisme du cinéma est plus puissant ou plus fort ou plus immédiat que celui des autres arts ou des arts précédents, et que ça produit un effet très fort. Je crois que c'est franchement vraiment les premières choses qui se sont dites quand on a écrit sur le cinéma dès 1895. C'est et puis petit à petit on a transformé ces idées, et on a beaucoup insisté sur le fait que ça devait devenir un art, ça devait devenir sérieux, ça devait devenir un langage. Donc il y avait vraiment pas que cette idée de très réaliste, d'énormité de réalisme de l'image qui comptait, et on a donné un coup de balancier à l'envers. Et puis Bazin redonne un coup de balancier comme au tout début du cinéma, en disant mais non, on peut théoriser le cinéma en prenant en considération cette chose que c'est une machine, c'est un enregistrement machinique, et ça n'enlève absolument rien au travail de l'artiste et le fait qu'il y ait un artiste au cinéma, mais il faut mettre d'abord le principe de l'enregistrement machinique pour comprendre quelque chose au cinéma. Donc ça, c'est le réalisme au sens théorique, hein. C'est ce qui fait de Bazin un théoricien, au fond, reconnu dans le monde entier, pour un article, Ontologie de l'image photographique, qui est sans cesse cité depuis qu'il est sorti dans sa deuxième version en 1958 à la mort de Bazin. Et puis l'autre réalisme, c'est un réalisme de style, c'est-à-dire, et là Bazin n'a pas beaucoup développé ça. Par contre, les Cahiers du cinéma ont beaucoup développé ça, c'est-à-dire qu'il y a des films qui sont mieux que d'autres parce qu'il y a moins de décors, ou il y a plus de ceci, cela, donc c'est un réalisme normatif en quelque sorte, hein. Certains films seront plus réalistes, que plus près du réel que les autres. Bazin ne l'a pas beaucoup développé, hein. Il y a pensé au tout début de ses écrits, puis ensuite il a plutôt abandonné cette voie qui est une voie qui fait un peu la marque des Cahiers du cinéma, quelles que soient les époques, quelles que soient les tendances et quelles que soient les idéologies. De la multitude des textes et des articles de Bazin, si vous deviez dégager ceux qui sont les plus emblématiques de sa pensée sur le cinéma, ceux qui avec le temps s'imposent comme les plus importants, les plus convaincants, lesquels choisiriez-vous? En somme, lesquels faut-il avoir lu, Hervé Joubert-Laurencin? Ça, c'est une question piège pour moi, parce que c'est une question piège pour la raison suivante, c'est que Bazin a fait un choix lui-même. Ça s'appelle « Qu'est-ce que le cinéma ?» Et d'abord, c'était prévu en 4 volumes, et le choix de Bazin est remarquable. C'est-à-dire qu'on a envie de dire tous les articles qu'a choisi Bazin dans « Qu'est-ce que le cinéma ?» sont des articles fondamentaux. C'est vrai. Mais comme maintenant, on en connaît les 9/10 en plus, forcément, il y en a d'autres qu'on a retrouvés qui n'étaient pas là. Puis surtout, ils ont beaucoup disparu, ils sont plus disponibles, même cela. Alors, ce serait donc un choix contre Bazin, en quelque sorte, hein. Il y a sans doute des articles qu'il n'avait pas repérés lui-même comme fondamentaux. Moi, je crois qu'il y a quelques articles sur la télévision qu'il faudrait sauver. Aimons l'image que jamais nous ne verrons deux fois. C'est quand même un titre incroyable. Je sais plus si c'est le titre de l'article, d'ailleurs, ou la meilleure phrase de cet article, mais cet article dans France Observateur sur la télévision, un des premiers articles qu'il a écrit sur la télévision, qu'il a vu naître, ça c'est très important. Donc un ou deux articles sur la télévision sont absolument magnifiques et à sauver. Après, on peut aller voir l'ensemble des, disons en gros, 150 articles qu'il a écrits sur la télévision, qui font un ensemble assez merveilleux, qu'on pourrait appeler « Qu'est-ce que la télévision ?». Mais si on veut vraiment garder des articles... ce qui a émergé des articles méconnus, c'est peut-être aussi « Le cinéma est-il mortel ?», qui est un texte très beau, qui aujourd'hui paraît complètement neuf par rapport à ce qui s'écrit sur le cinéma ou ce qui se théorise sur le cinéma. « Le cinéma est-il mortel ?», c'est le cinéma considéré en tant que média au milieu d'autres médias. Et donc le cinéma a eu une naissance, alors il aura peut-être une mort. Mais il ne s'agit pas du tout d'une mort nostalgique du cinéma, c'est de le replacer dans ses modifications, ses métamorphoses. Est-ce que la télévision, c'est du cinéma électronique? Est-ce que... Donc Bazin se serait posé aujourd'hui la question du numérique. Est-ce que le numérique, c'est la continuation du cinéma? Je pense qu'il aurait dit oui. Et voilà. Donc celui-là, par exemple, bon, il y en aurait bien d'autres, hein. Bon, je sais pas. Il y en a beaucoup que j'aime, donc j'ai un peu de mal à choisir. Hervé Joubert, Laurent Saint, merci. Nous allons écouter les archives qui composent la première partie de cette nuit consacrée à André Bazin. Dans un instant, François Truffaut parle de ses premières années de cinéphile dans le cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe en 1976, le premier des deux profils perdus que Jean-Pierre Pagliano consacrait à André Bazin en 1988, le cinéma instrument de culture populaire, une tribune de Paris proposée par Paul Guimard en 1946 sur la chaîne nationale, Ciné-Club André Bazin, les Ciné-Clubs, le Festival du film maudit en 1949 sur les ondes de la RDF, le Festival du film maudit de Biarritz de 1949, troisième temps d'une série sur la cinéphilie dans la Fabrique de l'Histoire en 2012. Nous nous retrouverons dans un peu plus de 2h30 pour la deuxième partie de notre entretien et nous serons rejoints par Marianne Dautret avec qui, Hervé Joubert-Laurencin, vous avez réalisé le film Bazin Roman. À tout à l'heure.